mec avec ou sans genre martial. On représente le monde qui vient louer original. Qui inspire son voisin sur l'instrumental. Juste pour vous dire que c'est passé au céphale. Faut savoir que l'humain est bestial. Sans que j'ai catché ta sonale, à ton tour de leur envoyer la balle. Fiction mentale sur instrumental comme criminal qui fasse fatal. Check les voix chaotiques dans mon réseau natal. Bill toxic plus alcool qu'on avale. Ça fait qu'on casse des sur terre. En enfer, qu'on s'enterre, qu'on soit la balle qui transperce le mal. Parfois, relation fécale dans cette vie qui s'étale dans un bal. Un peu de somnambule comme une tulle, comme vivre dans la lune. Condition transcendantale comme friction physicale. En quoi de surmonter le shit qui est hit comme un misfit. Oublier d'être sophistiqué. Fuck le rival avec l'agressivité animale. On s'approche de la mort comme un chacal. Répondre ses marques, toucher comme des balles. Mais je sors de la salle avec mon mental rancal. Mais vois une attaque frontale sur ton contexte lyrical. Je te détruis ton tas de balles en or martial. What the fuck la piste de vie comme une fuck anal. Je sais, sur ces mots précoces, dit en joie, le sale rafale. J'ai un vibe live dans la salle. Pas tout le temps jovial, mais je reste quand même génial. En tout cas, je peux durer que t'en trouves pas mon shit. T'es un puni sac dans la malle. Ou ces tablettes d'HMV en spécial, hein? On parle de friction mentale sur instrumental. En général, on kick avec ou sans genre martial. On représente le monde trivial ou moins original. Qui inspire son joisin sur l'instrumental. Yeah. D'un cervical pour remettre mes mauvaises idées au clash. J'ai pas besoin de fanal pour le hip-hop. J'suis pas un théogal international. La musique de tribal, sans nous elle serait dans fosse terminale, ligne spectrale. Fait qu'on enfreint les règlements municipaux. À mon inflexion de seconde d'intervalle, j'm'exprime plus qu'un peintre sur toi. J'suis pictural, j'suis pas au point des débiles. Puis m'pitcher moi-même dans le trou, c'est ça le principal. Partout où j'vais, on veut me faire la morale. J'roule en espérant que mon corps devienne pas comme certains véhicules, une perte totale. Ça serait fatal. Comme les salles sur le net qui se font mettre par des chevals. Dans vos brains, j'crime, tu me râles. Ce qui ne donne pas la fringale. Nos brimas sont tous sommitales. Mes enclenchements de mots sont pareils comme un déchargement de balles. J'suis réaliste comme que mal. Autant atteint trop manteau. C'est le style des mers vernales. Dans Twitch shit, j'attaque. Full contact, au nom de ma filiale. On parle de friction mentale sur instrumental. En général, on clique avec ou sans.